Et il y avait deux places à prendre, il y avait une à Lille et une à Marseille. Et naturellement, j'ai choisi le soleil sans savoir d'ailleurs ce que c'était, étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, je suis venu et j'ai découvert justement quelque chose de nouveau. Là, j'ai fait une découverte.